Mustapha Dupont. Il est né entre Constantine et Joinville-le-Pont. Dupont Mustapha, c'est un bon français comme toi et moi. Mohamed Durand, il a vu le jour entre Fès et Clermont-Ferrand. Durand Mohamed, français 100% de A à Z. Abdou Mahamadou, son père est tombé en 44 en plein mois d'août. Mamadou Abdou, il est bien de chez nous, comme toi, comme nous. C'est ça la couleur, l'équipe de France. Entre bleu d'outre-mer et de Provence. Tu prends un Lillois, Marseillais, un Rital, un peu polonais. C'est rouge, orange et jaune, vert, bleu, indigo, violet. Mustapha Dupont, quand il allait à la communale de Bécon, comme ça, mes ancêtres s'appelaient les Gaulois. Abdou Mahamadou, diplômé des universités d'un peu partout. Mamadou Abdou, de notre ambassade de Moscou. C'est ça la couleur de l'équipe de France. Entre bleu d'outre-mer. Marseillais, un Rital un peu polonais. C'est rouge, orange et jaune, vert, bleu, indigo, violet. Et moi au milieu, qui ne sais pas très bien où sont enterrés mes aïeux. Et moi au milieu, mon sang est-il rouge ou blanc ou bleu? Peut-être les trois. Mustapha.